Le porte-parole de l'association du district central et médiéval de l'association générale des Coréens en Chine a publié le 19 mai l'entretien « Toute la nation doit s'engager énergiquement et pleine de confiance à la campagne générale pour la victoire finale de la réunification de la patrie ». Il a déclaré que les nouvelles lignes et orientations avancées au 7e congrès du Parti du Travail de Corée sont le plus juste et équitable programme indiquant nettement la voie de la réunification de la patrie et que donc c'est le principe de l'indépendance et de la grande union nationale acceptable à tout le monde.